Et je sais que tu ne pleures pas pour moi. Et je sais que tu ne t'inquiètes pas pour moi. Et je sais que tu n'es pas en manque de moi. Mais mon cœur brille dans le noir pour toi. Mon cœur brille dans le noir pour toi. Et je sais que tu n'as pas besoin de moi. Et je sais que tu ne penses pas vraiment à moi. Et je sais que tu n'as pas envie de moi. Mais mon cœur brille dans le noir pour toi. Mon cœur brille dans le noir pour toi. Et je sais que tu te moques bien de moi. Et je sais que tu es bien trop belle pour moi. Et je sais que tu ne m'aimes pas, Léa. Mais mon cœur brille dans le noir pour toi. Mon cœur brille dans le noir pour toi.